Capitaine, we got the flaggy hot dog call. Tour du brouilleux, la route est grande, la nuit est longue et les paix sont pas invitées. C'est les matis gras, ça devient un fois par an, de demander la charité. Un fois par an, c'est pas trop souvent pour vous quand même. C'est hip, hip, c'est hop, et mon chat de camarade. C'est hip, hip, c'est hop, et mon chat de camarade. C'est les matis gras, c'est de tête de l'ouest, c'est de tête que du long de temps. Tour, du brouilleux. Et tu les m'as dit grâce à des têtes d'une bonne famille, une bonne famille que des têtes de loin. Tour, du brouilleux. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. Tu les m'as dit grâce à des têtes d'une bonne famille. C'est pas des malfacteurs, j'ai eu des têtes en bonheur. C'est hip. C'est hop, et mon cher de camarade. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. Il m'a dit grâce à cette monde de la maîtresse. Et la maîtresse prend une petite boule grâce du rio de la Grèce. Pour faire le gros gambou ce soir, grand basis. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. C'est hip. C'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. Si tu m'apprends, tu m'apprends, mais tu m'attends pas. Tour, du mouilleux. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. C'est hip, c'est hip, c'est hop, et mon cher de camarade. Capitaine, t'es chauveur, je peux plus chanter parce que l'autre gorge est sec. Tour, du mouilleux. And bon, she got Fred, Lee, Fred, and she got me, yeah.